jour de son fichier client, la Régie des Eaux a entrepris en collaboration avec Liste et Boue un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des Eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Liste et Boue l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 26 février 2020. Voici les grands titres de cette édition. Certains insectes peuvent être mangés par l'homme, comme l'a si bien expliqué Jean Ajax Ndimubandi, chercheur en nutrition et professeur d'université, qui a par ailleurs ajouté que les insectes comestibles constituent une alimentation importante pour la santé de l'homme. Vous l'entendrez hier, il a tenu une conférence publique sur le sujet. Et près de 6000 élèves ont abandonné l'école au cours du premier trimestre de l'année scolaire en cours en province Makamba. Les grossesses non désirées, les mariages précoces, la recherche du travail et dans les pays voisins sont les principales causes de cette augmentation du taux d'abandon, nous appellerons notre correspondant. Et les chrétiens catholiques devraient se comporter davantage comme des artisans de paix en cette période préélectorale. Cet appel est lancé par l'abbé Paul Woutoyi de la commission diocésaine de liturgie en ce mercredi décembre qui symbolise le début du temps de carême. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je venais de vous le dire, près de 6000 élèves ont abandonné l'école au cours du premier trimestre de l'année scolaire en cours en province Makamba. L'année précédente, les abandons scolaires s'élevaient à plus de 4200. Le directeur provincial de l'éducation dans cette province déplore que les grossesses non désirées, les mariages précoces, la recherche du travail dans les pays voisins sont les principales causes de cette augmentation du taux d'abandon. La commune Nyanzalak vient en tête avec plus de 2200 cas enregistrés. Jérôme Hakiziman. Le taux d'abandon scolaire a sensiblement augmenté au cours du premier trimestre de l'année scolaire en cours par rapport à l'année précédente dans la province Makamba. Selon le directeur provincial de l'enseignement, cela se justifie par le fait que 1425 élèves ont quitté le banc de l'école, de plus que 2206 élèves renonçaient l'année scolaire 2018-2019. Les grossesses non désirées en milieu scolaire, les mariages précoces, la méconnaissance du bien fondé de l'école et la pauvreté dans certaines familles qui, par conséquent, poussent certains de ses élèves à la recherche du travail dans les pays voisins, dont la Tanzanie et surtout la Zambie, sont certaines des causes de cet abandon, explique le directeur provincial de l'enseignement. Face à cette situation, Semeni Maye dit que la direction provinciale de l'éducation, en collaboration avec l'administration, font une sensibilisation à l'endroit de toutes les parties prenantes pour que ces dernières redoublent l'effort afin de réduire considérablement les cas d'abandon en milieu scolaire. Le directeur provincial de l'enseignement Makamba signale qu'au niveau provincial, 5631 élèves ont quitté le banc de l'école au cours du premier trimestre de cette année scolaire en cours, la commune Nyanzalak venant en tête avec 2216 élèves au moment où Vugizo, qui vient à la dernière position parmi les 6 communes de cette province, a enregistré 359 cas d'abandon. Jérôme Hakizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro. Et environ 400 enfants en provenance des provinces de Tchankuzuru, Yigi et Rutana ont fait objet de traite vers la Tanzanie. Cette révélation a été faite par la Fédération nationale pour la défense des droits des enfants Burundi lors d'une réunion tenue ce mardi et mercredi au chef-lieu de la province Tchankuzuru. L'administration salue la tâche de ces organisations qui ont fait que les effectifs des enfants amenés en Tanzanie diminuent. Correspondance de Raymond Mudende. Ce phénomène d'acheminer des enfants en Tanzanie pour y chercher du travail en provenance de ces provinces s'est transformé progressivement en traite ou trafic des enfants, comme le confirme la Fédération nationale pour la défense des droits des enfants au Burundi, FENADEB. Selon cette fédération, environ 400 enfants ont fait l'objet de la traite vers la Tanzanie en provenance de ces provinces au cours de l'année 2018-2019. Dans cette réunion, des témoignages des associations qui œuvrent en commune Tchendajuru de la province Tchankuzo expliquent que des enfants sont retirés de leur famille par des gens qui les amènent en Tanzanie pour leur chercher du travail. Aussitôt arrivés dans ces pays, ces transportés les reçoivent de l'argent et devraient aussi recevoir la moitié du salaire que ces enfants percevront. À cause de la pauvreté, certains parents laissent leurs enfants dans cette aventure tout en quittant l'école, espérant avoir aussi de l'argent. C'est donc ce phénomène que la FENADEB qualifie de trafic d'enfants ou de l'esclavage moderne. Bilahani Ferdinand, conseiller du gouverneur en province de Tchankuzo, salue la tâche de cette fédération dans la sensibilisation sont ce qui a fait chuter les effectifs des enfants qui quittent la province de Tchankouzo vers la Tanzanie. Pour inciter à la poursuite des auteurs, la Fédération nationale pour la défense des enfants au Burundi prévoit une sensibilisation de la loi sur la traite, une sensibilisation à l'endroit de l'administration et de la police essentiellement. Depuis Tchankouzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le ministre de l'Agriculture, Élevage et Environnement tranquillise les travailleurs des Sogestal à propos de la réclamation concernant le paiement de leurs arriérés de salaire. Il dit que le gouvernement suit de près leurs questions à travers l'Office pour le développement du café Odeka en sigle. Deogui Derurema déclare qu'il y a des conventions qui lient cet office à ceux qui sont engagés. C'était lors du lancement de la campagne Café Édition 2020-2021 en province de Cibitoke. Suivez-le, il est traduit par Jean-Marie Mayonga. Qu'on ne confonde pas les entreprises de l'État et celles des privés, les Sogestal, il y a des capitaux du gouvernement et des privés. Durant ces 3 ans, le gouvernement y a investi aux environs 41 milliards. Nous sommes en train de chercher, car ce n'est pas le gouvernement seul qui possède des capitaux. Nous allons demander aux autres qui possèdent des capitaux pour savoir combien avez-vous investi. Ces employeurs de Sogestal ne sont pas du gouvernement, mais parce que l'État est responsable. Il suivra de près leurs questions par le biais de l'ODK. C'est pour cela qu'on a accepté et certains employeurs des Sogestal ont accepté de nous appuyer dans ce travail. Nous allons préparer des conventions régissant ces employeurs engagés et seront payés mensuellement. Nous allons échanger sur le délai et après, on verra comment signer des contrats. Qu'ils soient tranquilles, nous poursuivrons tous leurs biens car ce n'est pas nous qui sommes leurs employés. Ce n'est pas nous qui les avons engagés. Il y en a d'autres. Nous allons vérifier comment ils ont vendu leur café et ce qu'ils ont gagné. Refuser de payer la population et refuser de payer les employeurs. Comment cela s'explique-t-il? Je vous l'avais dit dans les titres, tout chrétien est appelé à se convertir et à se détourner du mal en ce temps de carême qui débute ce mercredi décembre. Ceci est dit par le président de la commission diocésaine de liturgie et catéchèse. Ce temps de carême précède les élections au Burundi, raison pour laquelle l'abbé Paul Boutoyi appelle les chrétiens à être des artisans de paix là où ils sont. Bien vivre ce carême donne de la force aux chrétiens pour résister à toute tentation, ajoute ce religieux. On l'écoute. Tout chrétien a un comportement à adopter pendant ce carême et même après le carême. Alors le comportement auquel le Seigneur nous appelle, c'est de nous tourner vers lui. Donc la conversion pour nous détourner du mal, du péché, en fait de s'attacher à Dieu, de s'attacher au Seigneur. Ça c'est l'attitude fondamentale de tout chrétien, de toute chrétienne, pendant ce temps du carême. Et ce temps du carême vient à point nommé, puisqu'elle précède la période des élections dans notre pays. Et si les chrétiens essaient de bien vivre ce temps du carême, ça leur donnera de la force pour résister aux différentes tentations, aux différentes sollicitations qui ne sont pas conformes à l'évangile, à la parole d'amour, à la parole de vérité, afin que nous puissions justement vivre dans le respect mutuel et dans la vérité, dans la justice, et pour que chacun et chacune, là où il est dans ses activités quotidiennes, il puisse vraiment s'atteler au bien, parce que c'est le bien qui construit le pays. Et parmi les biens, c'est le respect de la personne humaine telle qu'elle est. Que ce carême nous aide à être vraiment les artisans de paix, comme le thème nous y invite. Être artisans de paix là où on est, là où on contribuerait à l'avancement du pays, parce qu'on s'attache à vivre en paix les uns avec les autres. Et dans l'actualité, il est possible de remarquer qu'on a conçu un bon projet, avant sa mise en œuvre, indique le directeur et formateur en planification, suivi et évaluation des projets au sein du Centre de recherche et de perfectionnement. Dans notre précédente chronique, Tadenzo Tunga nous a parlé des étapes que suit la planification du projet. Dans cette chronique, il nous explique qu'un bon projet prévoit des pistes de solutions aux éventuels problèmes au cours de sa mise en œuvre. Les détails avec Charles Makoto. Le bon projet est celui qui conduit au changement en résolvant le problème majeur. Tade Nzotunga, expert au sein du Centre de recherche et de perfectionnement CEREP, indique que la solution souhaitée pour un bon projet doit répondre aux problèmes posés et l'objet utilisé doit être adéquat. On parlera d'un bon projet dans le cas où le projet d'apprécier l'impact qui conduira au changement. Même lors de la préparation, c'est-à-dire lors de la planification, on peut savoir si un projet est bon ou mauvais. Vous évaluez alors sa pertinence. La pertinence, c'est-à-dire, est-ce que le projet vise franchement à résoudre le problème majeur? Deuxièmement, c'est l'efficacité. Est-ce que le projet permet de s'assurer si on pourra atteindre les résultats et l'objectif visé, afin de répondre, bien sûr, ou prévenir le problème? Il y a aussi la participation. Un bon projet permet les manœuvres de participation de tous les membres parties prenantes qui sont impliquées dans le projet. Et cela facilite même sa mise en œuvre. Il arrive que dans la mise en œuvre du projet, qu'il y ait des changements comme la validation des prix des produits de première nécessité. L'expert dans la planification et suivi et évaluation des projets au sein du CEREP fait savoir qu'un bon projet est celui qui prévoit dans son sein des mécanismes d'ajustement. Il y a l'efficience. C'est le rapport coût et efficacité. Coût et bénéfice, coût et bénéfice, c'est-à-dire ce que nous voulons en résolvant nos problèmes ou bien ce que nous voulons atteindre pour combler nos besoins, c'est-à-dire nous avons de bons résultats à un coût raisonnable. Tadenzo Tunga dit que parmi les parties prenantes du projet figurent les bailleurs de fonds et les bénéficiaires directs du projet. Je dirais que les membres parties prenantes du projet, ce sont des personnes physiques ou morales qui sont impliquées de près ou de loin directement ou indirectement dans l'exécution du projet. Cela veut dire qu'un bon projet doit tenir en compte des tâches qui doivent être exécutées par chacun de ses membres. La mobilisation des fonds et l'évaluation des projets, c'est dans notre prochaine chronique éducation. Et certains insectes peuvent être mangés par l'homme, comme l'a si bien expliqué Jean-Jacques Sendimoubandi, chercheur en nutrition et professeur d'université, qui a par ailleurs ajouté que les insectes comestibles constituent une alimentation importante pour la santé de l'homme. C'était ce lundi soir dans une conférence publique organisée par l'entreprise Arca. Le professeur Sendimoubandi a également révélé que ces insectes font rentrer des devises dans les pays expérimentés dans l'élevage de ces derniers. On fait le point avec Aimé Richard Niongour. Dans cette conférence publique organisée par l'entreprise Arca le soir de ce lundi sur la nutrition, Jean-Jacques Sendimoubandi, le chercheur en nutrition et professeur d'université, fait savoir que les insectes comestibles constituent une alimentation importante sur la santé de l'homme. Je ne pourrais pas vous donner une liste exhaustive des insectes, hein, parce qu'on a déjà des nombres, plus d'une dizaine d'insectes dans la région de Makamba. Mais je dois reconnaître que parmi justement les insectes qui sont comestibles, il y en a qui sont plus comestibles que les autres et qui sont fréquemment utilisés dans la consommation humaine. Si vous prenez les termites, les chenilles, les sauterelles, ça c'est des insectes qui sont couramment utilisés, qui sont consommés couramment, qu'on trouve couramment dans la nature et qui pourraient être effectivement élevés en station ou dans les cages. Quant à Ariel Liragendanoua Kaneza, organisatrice de cet événement, même si la consommation des insectes est une pratique inhabituelle au Burundi, la population peut être influencée positivement car, poursuit-elle, jadis les insectes étaient une alimentation de nos ancêtres. Mais c'est parce qu'on a de plus en plus cette consommation et parce qu'on voit l'intérêt en termes de protéines, etc. Et je pense que sur les impacts climatiques sur la surconsommation de la viande rouge, enfin la viande animale telle qu'on la voit, les bovins, etc., elle est indéniable. Le professeur Ndimoubandi, de son côté, suggère de ne pas s'attaquer à tout insecte, car tous les insectes ne sont pas comestibles, souligne-t-il. Mais je dois reconnaître que parmi justement les insectes qui sont comestibles, il y en a qui sont plus comestibles que les autres et qui sont fréquemment utilisés dans la consommation humaine. Les participants à cette conférence publique qui ont dégusté à ces sortes d'insectes comestibles trouvent délicieux cette nourriture. C'est très délicieux. Ce sont vraiment des aliments à consommer. même s'ils sont considérés comme négligés. Le professeur Jean-Jacques Ndimubandi, chercheur nutritionniste et professeur d'université, précise également que les insectes, à part qu'ils constituent une forte dose de protéines de haute qualité, ils font rentrer beaucoup de devises dans le trésor public pour les pays expérimentés dans l'élevage de ces derniers. Aimé Richard Niyonguru, deux nouvelles brèves en international avant la chronique sur les messages de haine. En premier cas de coronavirus en Algérie, les autorités annoncées hier soir un premier cas avéré de coronavirus sur leur sol. Après l'Égypte, deux semaines plus tôt, l'Algérie devient le deuxième pays du continent africain officiellement touché par l'épidémie. Le ministre de la Santé algérien l'a confirmé hier soir au journal de 20h sur la télévision nationale. Le virus a été détecté sur un ressortissant italien arrivé en Algérie le 17 février. La semaine dernière, un rapport publié par plusieurs épidémiologistes dans la revue de Lancet étudier la vulnérabilité de l'Afrique par rapport au coronavirus. Selon les chercheurs, l'Algérie est l'une des trois portes d'entrée les plus importantes de l'épidémie sur le continent, avec l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et l'Organisation internationale de la francophonie a fait savoir lundi qu'elle ne pouvait plus soutenir le processus électoral du 1er mars en absence d'un consensus national sur le nombre d'électeurs. En Guinée, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, avait envoyé à Conakry une mission d'assistance du 10 novembre du 2019 au 7 février afin de procéder à la révision des listes électorales sur demande de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Les Guinéens sont en effet invités à voter à la fin de la semaine, dimanche 1er mars, lors d'un double scrutin, les législatives et le référendum constitutionnel. Parle, rassure-moi. Les messages manipulateurs liés au traitement du passé sont principalement dus à l'ignorance du passé et à l'idéologie contraire aux faits. Chartier Niyungeko, spécialiste en transformation des conflits, révèle que cela blesse le groupe dont les droits ne sont pas reconnus. Une situation qui, à la longue, cause des vengeances et des violences. Ce spécialiste conseille surtout aux leaders influents d'éviter ce genre de messages. Ornella Mucho. Les mémoires blessées dues à l'histoire du passé peuvent créer un sentiment et une haine envers l'autre groupe, d'où les messages de manipulation au traitement du passé. Chartier Niyungeko, spécialiste en transformation des conflits, souligne que l'ignorance est également l'autre cause majeure. C'est un signe que dans le passé, il y a eu des événements malheureux qui se sont produits entre deux personnes ou deux groupes de personnes ou plusieurs. Et que malheureusement, ces événements n'ont pas été bien traités. Cela peut être aussi causé par ce que j'appelais endoctrinement ou l'idéologie. Parce que si par exemple, il y a un groupe de gens qui ont été endoctrinés, ils ont entendu pas mal de choses et de mauvaises choses par rapport à l'autre groupe. Et que ce groupe de gens ne connaît pas donc la vérité par rapport à l'histoire. Ça, c'est l'ignorance. Selon toujours Chartier Niyungeko, nier l'histoire douloureuse des autres, c'est comme mettre le couteau dans la plaie, ce qui peut inciter aux violences de masse pour question de vengeance. D'abord, c'est un droit d'être considéré. Et alors, si vous niez que tel événement m'est arrivé, la première conséquence, c'est que je dois faire tout pour me défendre. Je dois faire tout pour t'amener à comprendre que moi aussi, j'ai tant souffert comme toi. Et des fois, c'est une position qui passe souvent par la violence et qui montre que ça va plutôt engendrer un cycle vicieux de violence. Je peux partir de ce qui s'est passé, de la crise, de ces crises que nous observons bon, depuis les années 60 et nous, on a entendu. Il y a eu des tueries, il y a eu des massacres. Les années 65, les années 72, il y a les années 83, il y a les années 93. On peut se poser la question de savoir si réellement, après 20 ans ou 30 ans, on ne va pas observer la répétition de ces événements malheureux. Il conseille la population, surtout les leaders, d'éviter ces genres de messages qui pourraient à la longue diviser la population. Il faut que les gens apprennent à écouter les autres. Parce que si tel dit que donc il a connu des problèmes dans le passé, il ne faut pas que je reste cramponné sur ce qui s'est passé. Pour moi seulement, il faut que je prenne cette initiative de comprendre que tel ou tel autre groupe de gens pourrait avoir aussi connu des problèmes comme nous autres. Les leaders influencent beaucoup la vie des gens. C'est pourquoi je lancerai un appel aussi aux leaders, que ce soit des leaders politiques, de faire attention au discours qu'ils lancent aux gens. Parce que chaque fois qu'un leader lance un discours, ce discours a un pouvoir d'influence. Chartier Nyungeko, spécialiste en transformation des conflits, interpelle la population à toujours se rappeler de certains proverbes des ancêtres dont « le dialogue vaut mieux que la force ». Et c'est la devise de notre station, la radio Isanganiro, que vous écoutez. C'est la fin de ce journal, il est 13h15 à Bujumbura. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal avec intérêt. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Eric Ouimana. Au micro, Jean Bosco Ouimana. Passez un très bon après-midi.